Le temps était chaud et serein. La villa de Gautier, impeccable et vide. Melchior s'était assuré que Nils était au loin, sur la plage. Gautier et Olga venaient de partir en visite. Olga avait répugné à laisser sa fille seule avec Melchior, mais n'avait pas été de taille à résister contre la conspiration générale. Le moment était parfait. C'était le moment que Melchior attendait depuis des semaines, celui pour lequel il avait supporté les rougissements de Clara et les sous-entendus de Gautier. Il se sentait calme, en pleine possession de ses moyens. Ce fut d'un air parfaitement naturel qu'il prit la main de Clara en affectant un air suppliant. « Clara, » dit-il doucement, « il est une chose que vous pourriez faire et qui me ferait un immense plaisir. » La jeune fille rougit et le regarda de ses grands yeux tendres et timides. « Rassurez-vous, je ne veux pas vous brusquer. Vous brusquer serait un crime, et si doux soit le crime, je ne suis pas un criminel. » Elle sourit. « Laissez-moi deviner, Melchior. Est-ce quelque chose que je dois dire ?» Melchior fit semblant de se prendre au jeu des devinettes tout en calculant mentalement le temps qui lui était imparti. « Non, ce n'est pas une chose que vous devez me dire, du moins ce n'est pas quelque chose que vous pouvez me dire avec des mots. » La main de la jeune fille tremblait et défaillait dans la sienne. « Voulez-vous que je vous donne un indice ?»« Oui. » »« C'est quelque chose que vous devez exprimer avec vos si charmantes mains. » Clara ne savait pas si elle devait laisser sa main ou la retirer. Elle entrevoyait dans ce qu'il disait des significations sensuelles qui lui donnaient le vertige. Elle était inquiète des convenances et de ce que son père lui permettait de faire. Elle resta un instant confuse, puis retira sa main après avoir pressé maladroitement celle de Melchior. « Comme cette jeune fille est amoureuse, » songea-t-il, « elle donnerait sûrement sa vie pour moi. »« Je ne vois pas, » murmura-t-elle. Melchior la regardait avec douceur et concupiscence. « Je voudrais que vous me fassiez rêver, que vous fassiez naître en moi des émotions délicates, que vous reposiez mon esprit de ses tracas. Et tout cela par l'unique magie de vos mains, si habile à exprimer la beauté. Le piano ?» hasarda-t-elle. « Oui, » ce sera-t-il, « je rêve souvent d'un moment comme celui-ci, où vous joueriez pour moi seul. Cela me ferait un immense plaisir. » Clara retrouva immédiatement sa contenance. « Quel morceau avez-vous choisi pour ce concert exclusif ?»« Cette sonate de Mozart que vous jouiez la première fois que je suis venue déjeuner ici. » Elle sourit, angélique. « Je ne peux qu'approuver votre choix. Avez-vous des préférences d'interprétation ?»« Ne la jouez pas trop vite. » Moderato cantabile. Elle se leva et lui adressa un long regard reconnaissant tandis qu'elle se dirigeait vers le piano. Vous venez avec moi ? Non, dit-il, je préfère vous imaginer. Il attendit, au comble de l'impatience, qu'elle cherche sa partition et qu'elle s'installe au clavier. Il devrait faire preuve de discrétion pour se rendre dans le bureau de Gautier, mais il l'avait assez souvent vu jouer pour savoir qu'elle était totalement pénétrée par la musique et ne prêtait guère attention au monde extérieur. L'avantage majeur de ce subterfuge était bien sûr qu'elle ne pourrait pas le surprendre, car il serait immédiatement prévenu de son changement d'activité. La sonate était raisonnablement longue, tout se présentait donc pour le mieux. Les notes subtiles commencèrent bientôt à envahir la maison, et tout en se levant, Melchior ne put s'empêcher de remarquer qu'elle jouait à la perfection. Puis, l'idée même de Clara lui sortit de la tête et il s'infiltra jusqu'à l'ordinateur de Gautier. Il tapa le code, calmement, après s'être assuré en regardant par la fenêtre que le champ était libre. Pendant les quelques secondes qui suivirent, il se demanda à quoi ressembleraient les ordres qui s'afficheraient si Gautier était le chef de cette communauté. Les chefs recevaient-ils seulement des ordres ? Puis la page s'afficha, et Melchior, devant l'écran absolument familier, se sentit à la fois déçu et soulagé. Les ordres de ce matin s'affichaient très semblables à ceux qu'il recevait lui-même. Vous devez désormais utiliser vos capacités de persuasion pour glaner des informations sur le passé de Melchior. Engagez des conversations privées. Prenez pour prétexte le rapprochement qu'il opère auprès de votre fille pour lui poser des questions indiscrètes. Testez-le sur les sujets suivants, sa mère, la dissidence, ses projets d'avenir. Vous rédigerez un rapport complet de ces conversations. Melchior resta pensif quelques secondes à la lecture de ces lignes. Puis le final de la sonate le rappela à la réalité. Il arriva juste à temps pour applaudir Clara lorsqu'elle plaqua le dernier accord. Ce soir-là, Brugge était avec Anna au palais lorsque Melchior rentra. Sa vue causa un léger déplaisir à Melchior qui décidément ne l'aimait pas et qui aspirait à la solitude et à la réflexion. Il avait enduré patiemment son tête-à-tête avec Clara, il s'était montré plus distant, n'ayant plus rien à obtenir d'elle, et l'inquiétude profonde, la tristesse infinie dans lesquelles ce changement d'attitude l'avait plongé, accablait Melchior d'ennui. Il avait été stupide de dépenser autant d'énergie, chez lui et chez les autres, pour une fausse piste. Puis Gauthier et Olga étaient revenus, et il lui avait fallu donner le change, en jouant la carte de la nostalgie. Gauthier lui avait maladroitement posé quelques questions indiscrètes, auxquelles il avait répondu par des mensonges grossiers. Cela avait pris du temps. Le chemin du retour avait été reposant, car il avait pu laisser libre cours à ses premières réflexions. Gauthier n'était pas le chef. Sa bêtise n'était pas feinte et son paternalisme n'avait rien de machiavélique. Cette famille, en somme, ne présentait aucun intérêt, entre la mère hystérique, le fils dégénéré et la pucelle sentimentale. Il allait falloir trouver un moyen élégant de couper court à leur relation envahissante. Quelques minutes lui suffirent pour trouver le prétexte idéal. Il irait voir Gauthier dès le lendemain et lui jouerait une dernière comédie. Il lui expliquerait d'un air grave et responsable qu'il s'était aperçu que Clara s'était éprise de lui, qu'il avait été sensible à sa grâce, qu'il avait même sans doute, dans sa faiblesse, encouragé ses sentiments, mais qu'il prenait peur à présent, car il était lui-même meurtri par ses expériences passées, et qu'il n'était pas sûr de pouvoir la rendre heureuse. Le décalage dans leur maturité serait difficile à vivre pour elle. Il n'était pas prêt à s'engager. Il était sûr que Gauthier comprendrait ses scrupules et approuverait son choix de prendre quelques distances. Avec un sourire solitaire, Melchior songeait qu'il s'en tirerait même avec les honneurs. Gauthier serait désolé pour sa fille, mais garderait Melchior en haute estime. Quant à Clara, elle disparaîtrait probablement de sa vue pendant plusieurs semaines. Ceci allait lui laisser plus de temps pour poursuivre ses enquêtes. Le vieux Léandri et la belle Serena occuperaient maintenant son esprit. La place très en retrait du vieillard, son comportement étrange, faisait de lui un chef tout à fait plausible. Quant à son amitié avec Serena, n'était-ce pas un divin hasard? Elle serait elle aussi une femme à séduire pour atteindre un homme, mais le jeu promettait beaucoup plus de piquant. Il en était à ce point précis de ses mises en place stratégiques lorsqu'il pénétra dans le vaste salon du palais. Anna jouait dans une pose lascive à renvoyer sur Bruck des noyaux d'olive. Ils avaient tous deux manifestement beaucoup bu et semblaient d'une humeur taquine et sensuelle. « Quel beau tableau de décadence !» dit Melchior en entrant. « Puis-je vous recommander de passer dans une chambre? Ce n'est pas ce qui manque ici. » Bruck émit un petit rire mauvais. Anna bâilla et se redressa. « Raconte-moi ta journée, mon frère. »« Il n'y a rien à en dire, j'en ai peur. Je me suis ennuyé les 9/10 du temps. » « Mais c'est une bonne moyenne ici, » dit Brugge. « J'en conclus que la compagnie de ma sœur vous ennuie. » Anna sourit tandis que Brugge, ralenti par l'alcool, cherchait une répartie. « Brugge s'ennuierait même en enfer, » soupira-t-elle. « C'est une sorte de maladie. »« C'est curieux, » dit Melchior en ramassant les noyaux à terre. « Qu'est-ce qui est curieux ?» demanda Brugge. « Rien. J'aurais cru que vous souffriez plutôt d'un autre mal. Me feriez-vous la grâce de me dire lequel ?» « La révolte ?» demanda Melchior en souriant. « Vous marquez un point, » dit Brugge. « Vous ne payez pas de mine, vous êtes plutôt silencieux, mais vous semblez observateur. »« Je le suis, » confirma Melchior. « Vous avez fait la cour à la petite Clara ?» demanda Brugge en étouffant un fou rire. Anna pouffa en regardant son frère. Melchior sourit et finit de ramasser les noyaux. « Allons, Melchior, ne me dis pas que tu n'es toujours pas arrivé à tes fins avec une proie aussi facile, » dit Anna. Le sourire de Melchior s'accentua et devint presque carnassier. Pour tout dire, je suis arrivé à mes fins, mais je doute que vous soyez l'un et l'autre assez observateurs pour savoir de quelle fin il s'agissait. Bruck se releva péniblement. Je suis trop saoul pour discuter avec vous, Melchior. Melchior se dirigea vers la porte. Vous n'êtes sans doute pas trop saoul pour débarrasser la table, dit-il. Vous pouvez casser des verres si vous voulez. J'ai horreur du cristal. Bonne nuit. Anna lui fit signe de la main. « Bonne nuit, grand frère !» Brugge le regarda de ses yeux injectés d'alcool. « Pourquoi me donnez-vous des ordres ?»« Parce que vous détestez en recevoir. »« Vous m'agressez, en somme. »« Vous ne m'aimez pas, Melchior. Je l'ai senti tout de suite. »« L'alcool vous rend sentimental, mon cher. Dois-je vous appeler beau-frère »« Qu'est-ce qui vous déplaît chez moi ?» insista Brugge. « Pourquoi vous acharnez à poursuivre cette discussion que vous aurez oubliée demain ?»« Parce que j'en ai envie. » « Je veux savoir pourquoi vous me traitez de haut. »« Je vous traite comme un homme traite son hôte lorsqu'il répand du vin sur les tapis sans s'en excuser, et comme un homme sobre traite un homme ivre, n'y voyait rien de personnel. Bruck se servit un autre verre de vin, lentement, sans en renverser une goutte. « À votre santé, Melchior !» Je conchis la sobriété sous toutes ses formes, je conchis les règles de l'hospitalité, je conchis les rapports qui n'ont rien de personnel, et je bois à votre santé. » Il le regardait avec orgueil, et Melchior décida de lui laisser le dernier mot. « Bonne nuit, » répéta-t-il simplement. « Bonne nuit, » répondit Brug. « Je ne suis pas en état de faire jouir votre sœur, aussi je pense que ces cris ne vous importuneront pas. « Je m'en réjouis, » dit Melchior en partant. Et tout en montant l'escalier et en entendant leur gloussement obscène, Melchior se demanda quel genre de femme devait être Serena.